roi des rois, le tout-puissant, bien-aimé, comme je le dis tout le temps, si une parole ne te prépare pas à l'éternité, au ciel, elle ne vaut pas la peine. Parce que notre but sur la terre, c'est d'aller au ciel, d'aller un jour à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais avant de commencer, nous allons écouter un peu la musique. Avant de commencer notre sujet, nous parlons de la délivrance. Parce que comme je vous ai dit, c'est le mois de la délivrance. Et nous parlons, nous allons parler de la délivrance. Tu as besoin d'être délivré. Tu dois, shalom à vous, soyez bénis, shalom, shalom, shalom, shalom. Tu as besoin de la délivrance. Le chant avec lequel nous allons commencer ce soir, c'est à pour titre ta présence. Ta présence. Tu dois aimer la présence de Dieu. L'onction du Saint-Esprit te change. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi et tu seras changé en un seul homme. Thank you. Avec une grande joie. Et pour moi, c'est toujours un privilège, c'est pas un acquis, c'est jamais un acquis de se souvenir et de parler de la part de Dieu. C'est vraiment une bénédiction et c'est un honneur. Donc, c'est ça que je veux bénir le Seigneur d'avoir fait de moi sa servante. Je bénis également le Seigneur pour l'homme qu'il a utilisé pour faire de moi sa servante, c'est-à-dire une veste spirituelle. Et je bénis le Seigneur également pour vous qui êtes là, pour toi qui me regardes, pour toi, mon cher ami, ma chère amie, mon téléspectateur, et que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Nous parlons de la délivrance, mais avant tout, nous allons quand même prier pour demander au Seigneur de nous accompagner dans cette émission, pour inviter le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Que le Saint-Esprit prenne le plein contrôle, que nous diminuions, que je diminue, et que lui croisse. Que le Saint-Esprit m'utilise comme un canal pour parler à un homme, pour parler à une femme, pour délivrer un homme, pour délivrer une femme. C'est très important parce que la délivrance nous prépare à l'enlèvement. La délivrance nous prépare à recevoir Jésus dans nos vies. La délivrance nous permet d'accomplir nos destinées, tremblons toute personne, tous les appareils, toute personne qui suit cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et nous déclarons qu'aucun esprit ne va résister. Parce que ce soir, nous allons parler de la délivrance. Tout esprit qui bloque la délivrance est vaincu. Et je tremble toutes choses au réseau dans le sang de Jésus. Je prie que le Seigneur touche ton entendement, que le Seigneur te réponde, te rencontre au point de ton besoin, qu'au travers de cette parole, une question qui a troublé ton esprit trouve la solution, la réponse, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je lis tous les esprits de contradiction, les esprits de mal interprétation, toute opposition, toute interférence avec le monde satanique, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, Mama Tchala, et nous sommes dans le cadre de cette émission, l'École des Serres, une émission inspirée depuis le trône de la grâce. Et comme je disais dans ma précédente vidéo, je disais, le Seigneur m'a donné une mission, il m'a donné un mandat, celui-là de racheter les destinées et de susciter des esters. Esther, c'est un mot en grand. Tu peux être Esther, homme ou femme. Esther, c'est pas un titre féminin, mais c'est une destinée. Esther a eu une destinée. Et la destinée d'Esther a été une destinée bénie de bénédiction. Une destinée prophétique que le Seigneur m'a dit. Je t'ai équipé afin que tu suscites des Esther, que tu introduises les hommes dans leur destinée parce que tu es une femme de destinée. Et c'est le but de cette émission pour ceux qui sont là pour la première fois et qui ne savent pas. Qui ne savent pas pourquoi le but est là. Et pour ceux qui pensent qu'une femme ne peut pas leur partager ou apporter la parole de Dieu, ils sont priés de traverser leur route parce que le Seigneur est capable d'utiliser toute personne pour te parler de Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous parlons de la délivrance. Comme je l'ai introduit dans ma première vidéo qui parlait de la délivrance, je disais notre première délivrance, la délivrance du péché originel, parce que Adam nous avait mis dans les problèmes. Et quelqu'un qui cherche la délivrance, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. La délivrance, c'est le fait de chercher à être libéré d'un poids, libéré d'un joug, libéré d'une situation, d'un problème. Et le premier problème de l'humanité pour lequel Jésus-Christ est venu, c'était le péché originel, ce péché qui nous a condamnés à la mort éternelle. Parce que quand Dieu a créé l'homme est destiné à vivre éternellement, c'est que sur la terre, il ne devait pas avoir de problème, il ne devait pas avoir de maladie, il ne devait pas avoir de mort. Mais la désobéissance d'Adam nous a condamnés à la souffrance et à la mort éternelle parce que l'homme était devenu séparé de Dieu. D'où l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth qui a dû descendre, lui qui est Dieu, il est descendu lui-même pour venir régler ce problème. Et il nous a accordé la plus grande délivrance et la première qui est la délivrance du péché originel. Donc, et une fois qu'on est délivré du péché originel, on a besoin également d'être délivré de beaucoup de choses. Parce que nous avons été engendrés d'un homme qui est... Et nous avons hérité de ces liens, comme l'apôtre Pierre le dit, je crois, dans 1 Pierre ou 2 Pierre, au chapitre 1, verset 18, la vaine manière que vous avez hérité de vos parents, la vaine manière de vivre. Donc, une fois que nous sommes nés d'un homme ou d'une femme, nous avons hérité beaucoup de liens, et ce sont ces liens parfois qui nous poursuivent. Donc, d'où l'importance de suivre sa délivrance. Donc, j'invite vraiment ceux qui n'ont pas suivi l'introduction de mon propos à rechercher la précédente vidéo où j'ai parlé de la délivrance. Et je dis toujours avant de commencer mes vidéos, je dis à tout le monde qui m'écoute que bien aimé, une fois que tu es sur la terre, si tu as arrivé, tu es né, un jour tu es né, tu as une date d'anniversaire, et tu es sur la terre, sache que tu dois quitter aussi cette terre un jour. Parce que la vie sur la terre n'est pas éternelle. La vie sur la terre, c'est un passage. La Bible dit que nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre. C'est un passage. C'est pour ça que la durée de vie selon Dieu est à 120 ans. Il n'y a pas d'homme éternel sur la terre. Tous les hommes qui sont nés sur la terre sont morts. Le seul homme qui est venu sur la terre, qui est mort et qui est encore vivant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ressuscité. Donc si nous sommes sur la terre, c'est pour préparer notre vie après la mort. La vie après la mort est la vie la plus longue. Elle s'appelle l'éternité. Et il y a deux destinations. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Qu'on ne te trompe pas, toi qui es en train de m'écouter, que tu peux décider de vivre comme tu veux sur la terre, et après, quand tu meurs, tu vas dans un purgatoire où on va dire des messes pour toi, et après, ta vie va changer, et après, tu vas partir au paradis. C'est faux. C'est très faux. Une fois que tu es sur la terre, c'est toi qui décides où tu iras après ta mort. Soit au ciel, soit à l'enfer. C'est toi qui décides. L'Ecclésiaste pouvait dire, donc Salomon, dans l'Ecclésiaste, le chapitre 9, quand il parle de la brièveté de la vie, il dit, dans le verset 4, En effet, celui qui est associé à tous les vivants peut avoir confiance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Donc, il a en train de dire, en fait, un chien mort, un chien vivant est plus important qu'un lion mort. Ça veut dire qu'une fois que tu es mort, ton cas est scellé. On ne peut plus prier pour toi parce qu'il continue en disant que les morts ne savent rien et pour eux, il n'y a plus de salaire. Puisque leur souvenir est oublié, leur amour, leur haine, leur jalousie ont péri, ils n'auront plus aucune part à tout ce qui se passe sous le soleil. Pourquoi? Parce que c'est quand tu es encore sous le soleil, quand tu es encore sur la terre des vivants, que tu peux décider de où tu vas passer ton éternité. Une fois que tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus de prière pour toi. On ne peut plus. C'est-à-dire, quand on pense bien, quand on fasse de bons témoignages de toi sur la terre, ça n'a plus aucune incidence. Une fois que tu rends l'âme, ton âme va vers la destination qu'elle aura choisie sur la terre. Je m'amuse souvent pour beaucoup de personnes qui sur la terre n'aiment pas entendre parler de Dieu. Peut-être une vidéo comme celle-ci, Dieu va te permettre de la suivre. Et tu vas insulter tout ce qui parle de Dieu pendant que tu vis. Tu vas critiquer ce qui vient dans les églises. Tu vas insulter les pasteurs. Tu ne vas jamais lire la Bible. Tu vas dire la Bible, c'est le livre des blancs. Mais quand tu vas mourir, tu vas quand même vouloir qu'on porte ton corps et qu'on amène dans une église où on parle de Dieu. Et tu vas vouloir passer ton éternité avec quelqu'un que tu as passé le temps à haïr pendant ta vie sur la terre. C'est vraiment déplorable et c'est trop bête. C'est pendant que tu vis que tu dois commencer à vivre avec Dieu au ciel, et pour cela il y a un chemin tracé. Je disais toujours, il y a deux destinées, il y a la destinée terrestre et il y a la destinée éternelle. Et ta destinée éternelle est la plus importante, parce que après ta vie sur la terre, il va falloir que ton âme aille rester pour l'éternité quelque part. Et si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, parce que c'est lui seul qui est vivant, c'est le ressuscité, c'est lui seul qui nous réconcilie avec Dieu le Père, parce que nous avons été séparés de Dieu le Père par Adam, par le péché d'Adam. Et une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, ton éternité, la porte pour le ciel est déjà ouverte. Et maintenant, la porte s'ouvre, il y a un chemin à suivre. Parce que recevoir le Seigneur ne veut pas dire que c'est pour l'éternité que tu as reçu le Seigneur. Tu peux également perdre ton salut. Le diable a perdu le salut. Recevoir Jésus t'introduit maintenant sur le chemin du ciel. Et Jésus a dit, le chemin qui mène au ciel, la porte est étroite. Et il y en a peu qui passent par là, il y en a beaucoup qui reçoivent le Seigneur, mais qui refusent de passer par ce chemin du ciel. Et maintenant, quand tu reçois Jésus de Nazareth, le ciel, pour le ciel, tout chemin ne mène pas au ciel. Comme on dit vulgairement dans le monde, tout chemin mène à la mort. Je suis désolée, tout chemin ne mène pas au ciel. Le seul chemin qui te mène au ciel s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Je vous parlerai de la vérité un jour, quand le Seigneur, si le Seigneur le permettra. Et une fois que tu as reçu Jésus-Christ, maintenant tu es sur le chemin du ciel. Et sur ce chemin du ciel, il y a des choses que tu dois apprendre. D'où l'école des cerfs, d'où tu dois persévérer dans une église, d'où tu as besoin de la délivrance, parce que tu es sur le chemin du ciel. Et une fois que tu acceptes de passer par ce chemin, le Seigneur te fait grâce parce qu'il voit ta volonté. Bien-aimés, nous ne l'aurons pas. Nous qui sommes humains, nous ne savons pas ce qui se passe derrière la scène. Les mots ne peuvent plus revenir nous dire ce qu'ils sont en train de vivre là-bas. On pense qu'il y a quelqu'un qui passe au rosé. Non, j'ai eu la grâce de témoigner que c'est pas vrai. Mais moi, le seul qui m'a convaincu, les gens à qui le Seigneur a fait la grâce de mourir et de revenir, de voir un peu comment ça se passe là-bas. Et Jésus même nous a parlé de ça quand il a parlé de la parabole de Lazare et du riche. Jésus nous a dit comment le riche était dans le tourment et Lazare était dans le sang d'Abraham. Ça veut dire qu'après la mort, il y a ceux qui se reposent et il y a ceux qui sont dans un tourment en attendant le second retour de Jésus pour le chemin dernier. Donc, non, mais toi, maintenant, est-ce que tu sais là où tu vas partir si tu meurs aujourd'hui? La mort est tellement facile, on ne sait même plus comment et quand pour mourir. Tu peux te toucher la nuit, tu ne te réveilles plus. Tu peux peut-être faire une mauvaise combinaison alimentaire et ça t'intoxique et tu meurs. Donc, tellement on ne sait pas comment mourir. C'est pour ça que c'est important de recevoir le Seigneur et de marcher dans ses voies. Pas seulement de le recevoir, mais de marcher dans ses voies, c'est très important. Une fois que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mon ami, conforme-toi à sa parole. Marche comme il te demande de marcher, parce que c'est lui qui sait là où ta main. Et une fois que tu meurs, c'est fini. Et si maintenant, tu ne meurs pas, et que Jésus revient, parce qu'il y a deux choses qui peuvent te surprendre, soit la mort, soit le retour de l'enlèvement. Quand Jésus reviendra prendre ses élus, son église, si toi tu n'es pas prêt, tu vas rester et ton cas est scellé. Tu ne pourras plus jamais aller au ciel. Cette église qui sera sauvée au deuxième tour. Le deuxième tour, ce n'était que pour les juifs de naissance. Donc n'attendez pas le deuxième tour. Alléluia. Donc, je t'invite à recevoir le Seigneur. À la fin, je vais t'amener à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu n'es pas à Paris, tu dois chercher une église réveillée où on parle de la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit à Nicodème que si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Jésus. Une église, on parle de la nouvelle naissance, parce que c'est la nouvelle naissance qui permet que le péché originel soit détruit en toi quand tu reçois Jésus. Et le Saint-Esprit maintenant t'habite. Et c'est le Saint-Esprit-là qui te permet de marcher selon Dieu. C'est ce Saint-Esprit-là qui te conduit dans toute la vérité, qui te donne la capacité de dominer le péché, la capacité d'abandonner le mal. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas abandonner le mal. Parce que le péché a été condamné dans la chair. J'entre dans mon sujet, la délivrance. Bien aimé, la délivrance, c'est quelque chose bien. C'est quelque chose qui ouvre les portes. Quand j'ai fait ma dernière vidéo, j'ai dit, la délivrance te permet d'atteindre ta destinée. Parce qu'une fois que tu es sur cette terre, la terre a été polluée depuis le péché d'Adam et Ève. Et le diable s'est multiplié. Dans Genèse 6, la Bible nous parle des fils de Dieu qui sont venus faire les enfants avec les fils des hommes. Les fils de Dieu, c'était les démons déchus qui ont péché avec Satan et qui sont arrivés sur la terre. Et ils sont venus maintenant polluer la race humaine. Et ils ont appris, ceux qui ont appris la sorcellerie aux hommes, ils ont appris les péchés aux hommes, ils ont appris beaucoup de choses aux hommes. Et maintenant, il y a le mal qui s'est perpétué. Au point où le Seigneur a d'abord détruit la terre une fois par le déluge, il a détruit Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait tellement de nouvelles choses. Une fois que tu es né sur cette terre, tu es dans une famille. Toutes les familles ont des racines polluées. Toutes les familles ont des racines démoniaques. Toutes les familles ont des racines bizarres. Et j'ai dit dans la dernière vidéo qu'il y a quatre origines de problèmes. Et derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque difficulté, il y a un démon qui agit. Qui te maintient dans ce problème. Parce que Dieu n'a pas créé le mal et Dieu n'est pas à l'origine des problèmes. Le Seigneur dit dans sa parole que les projets qu'il a pour toi, ce sont les projets de paix, ce sont les projets de bonheur, ce sont les projets de joie, ce sont les projets d'épanouissement. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie avec une étoile, il t'envoie avec une destinée que tu dois accomplir, il t'envoie avec un projet que tu dois réaliser. Et maintenant, le plus grand projet, c'est de te récupérer au ciel. Mais maintenant, le diable, comment il veut te récupérer en enfer, parce que c'est le grand conflit cosmique. Le Seigneur veut te sauver, le diable aussi veut remplir l'enfer, le Seigneur veut remplir le ciel, le diable veut remplir l'enfer. Alors il y a ce combat. Et maintenant, qu'est-ce que le diable commence à faire? Il commence déjà à détourner ton étoile depuis le ciel, depuis ta naissance. Il faut qu'il te fasse souffrir. Dans la souffrance, beaucoup de personnes maudissent Dieu. Elle pense que c'est Dieu qui a le problème. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ne veulent même pas croire au Seigneur, même quand tu leur annonces l'évangile. Et dit que si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrances dans ce monde? Si Dieu existait, pourquoi mes parents sont morts? Si Dieu existait, pourquoi j'ai des problèmes? Si Dieu existait, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a la Les tueries, pourquoi? Et les gens mettent ça sous le dos de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui a l'origine de cette chose. Les crashs d'avion, les accidents de circulation, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Et je ne sais pas dans quelle situation je te trouve aujourd'hui. Tu es dans une famille. Et la dernière fois, je disais, il faut regarder la vidéo de la dernière fois, parce que je ne vais pas toujours revenir. Je disais que maintenant, quand tu as un problème, tu connais ton problème, tu grandis, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et en passant, la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu, nés de nouveau. On ne délivre pas les païens. Maintenant que tu as reçu le Seigneur, il y a tellement de promesses dans la Bible. Le Seigneur a fait trop de promesses. Et tu te rends compte que cette promesse-là ne se réalise pas dans ta vie. Pourquoi ça ne se réalise pas? Ce n'est pas Dieu. C'est parce que dans ta vie, il y a des esprits qui travaillent. La délivrance du péché originel maintenant ouvre la porte et le Seigneur est en mesure maintenant de te délivrer parce que tu es déjà son enfant. Et maintenant, tu te rends compte que depuis que j'ai reçu le Seigneur, il y a des choses qui marchent pas dans ma vie, il y a des blocages, c'est des débats chroniques, j'ai des maladies bizarres, j'ai des esprits de rejet, dans ma famille, les problèmes financiers, tout ce que j'entreprends ne marche. Il faut déjà t'arrêter et identifier l'origine de ton problème. Peut-être c'est lié à une malédiction que tu as héritée de tes ancêtres. Peut-être c'est lié à tes péchés personnels toi-même, des choses que tu as faites, des alliances que tu as tissées, la mauvaise vie que tu as menée. Peut-être tu es malade parce que tu as mené une mauvaise vie et tu as contracté des maladies. Peut-être aujourd'hui tu es en prison parce que tu as été malhonnête et tu as escroqué des gens ou bien les gens ne te font plus confiance. Il faut identifier l'origine de ton problème. Et maintenant, une fois que tu as identifié l'origine de ton problème, c'est déjà un bon pas. Et il y a aussi une quatrième source de malheur, c'est la jalousie, la méchanceté. Il y a quelqu'un qui peut te voir, il voit ton étoile, et il décide de te nuire. C'est un peu comme dans le cas de l'Égypte, pardon, où Pharaon a demandé de tuer tous les nouveau-nés. Il y a aussi le cas de Hérode, les mages lui avaient dit qu'il y a un roi qui doit naître. Et le gars, il fallait qu'il protège son royaume à tout prix. Il a commencé à tuer tous les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher un roi de naître. Et c'est là où le Seigneur, l'ange apparaît à Joseph pour dire, va cacher l'enfant. Donc peut-être que tu es dans ta famille, un beau bébé, il y a des enfants, comme ça qu'ils naissent sont beaux. Et ceux qui ont les yeux, quand ils viennent te voir, En même temps, je profite pour parler aux mamans. Que quand tu accouches ton enfant, c'est pas tout le monde qui doit venir voir ton enfant. Tu accouches, tu mets mettre sur Facebook, tu montres la photo, tu as déjà accouché mon ami. Tu as les enfants, tu mets sur Facebook. Est-ce que tu sais qui regarde l'étoile de ton enfant sur Facebook? Tout le monde n'a pas les mêmes yeux. Tout le monde ne vient pas pour apprécier. Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui à cause de l'ignorance. Moi, je me souviens, ma mère disait, pour vivre heureux, vivons cachés. Il ne faut pas trop exposer sa vie. Donc peut-être quelqu'un, quand tu es né, elle a vu ton étoile, elle a dit, mais cet enfant-là, si on la laisse, elle va réussir. Elle va devenir une grande femme, il va devenir un grand homme, et on vient détourner ton étoile, on vient t'enlever. Et maintenant, tu grandis, peut-être que tu étais sage à l'école, et une dame ou un homme, bien même un professeur à l'école, a vu ton intelligence. Il a commencé à faire des imprécations. Il a volé ton cerveau pour donner à son enfant. Et quand tu deviens bête à l'école, et ça te pousse, tu as les trous de mémoire. Tu ne comprends pas. Pourtant, tu étais brillant à l'école, mais tout d'un coup, ça ne marche plus. Tout d'un coup, ça ne va plus. Tout d'un coup, tu as des problèmes. Donc, il faut identifier l'origine de ton problème. Et maintenant, une fois que tu as identifié, tu as besoin de la délivrance. Et la délivrance ne se fait pas par les hommes de Dieu. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est de chasser cet esprit. C'est le fait de chasser cet esprit qui t'a sujeté dans un domaine précis. C'est à toi de savoir quel est le domaine dans lequel tu sens que ça ne marche pas. peut-être dans le domaine des relations. Tu n'arrives pas à avoir une relation stable. Que ce soit en amitié saine, tu n'arrives pas à avoir des amis qui t'aiment pour rien, des amis qui te supportent, donnent de bons conseils. Tu peux être en amitié, pas forcément des amitiés intimes, des amitiés de péché, tout ça, mais des amis avec qui tu peux causer. Et une fois que tu es lié en amitié avec qui tu rencontres, après ton ami est déjà jaloux de toi, après c'est ton ami qui te fait des coups bas, après c'est un esprit. Il y a des personnes aussi qui sont toujours trahis par des personnes. Tu ne sais pas pourquoi. Tu es bien avec quelqu'un et après la personne te trahit. Des trahisons, c'est un esprit. Tu fais du bien aux gens, mais on ne te rend jamais le bien que tu fais. Tu aides les gens, tu donnes des bons conseils, mais ces personnes ne sont jamais reconnaissantes. Tu aides quelqu'un, une personne qui n'a rien. Mais quand Dieu bénit la personne, cette personne aussi qui peut venir te soutenir, te donner un coup de pouce, qui peut te donner un conseil, t'aider peut-être des enfants, elle t'abandonne complètement. Tu as besoin de la délivrance. Parce que c'est un esprit qui fait en sorte que ce que tu sèmes, tu ne récoltes pas. Donc, la délivrance, elle n'est pas générale, elle est détaillée. Chacun a besoin de la délivrance dans certains domaines de leur vie. Et il y a des personnes qui sont possédées des esprits. Tu as contacté peut-être un esprit qui est en toi, l'esprit parle en toi. C'est-à-dire que tu peux arriver, est-ce que tu es possédé par l'esprit? Ça, ce sont des personnes généralement qui ne sont pas nées de nouveau ou bien qui viennent de recevoir le Seigneur. Elles étaient chez des pécheurs, elles ont rencontré des hommes ou des femmes qui les ont invités, qui les ont possédés. Et c'est toujours déjà des personnes maintenant dont l'esprit parle. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont besoin de délivrance, qui sont juste influencées par des esprits. C'est-à-dire que l'esprit n'est pas en toi, mais l'esprit t'influence. L'esprit te manipule. Il manipule tes pensées, il manipule tes gestes, il manipule tes avoirs. L'esprit te manipule là où tu as besoin de délivrance. Il y a aussi des personnes dont certains domaines de leur vie sont bloqués. Les blocages. Là où tu as besoin de délivrance. Par exemple, tu peux avoir des blocages financiers. Si quelqu'un vient te voir, j'ai un problème. Aide-moi. Toi, tu prends ton argent sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Tu donnes à la personne. Pourtant, c'est une personne mal intentionnée. Elle va faire des applications. On a un témoignage qui passe sur notre chaîne du Temps des Nations. Allez voir. Une petite fille. Je vous raconte un peu l'histoire. Ses parents, en fait. Son père a eu dehors avec une femme et la femme est morte, je ne sais pas quoi. Elle a pris l'enfant. L'homme est parti récupérer son enfant qu'il a fait dehors. Il est venu avec sa femme à la maison. L'enfant avait trois mois. Et la dame, elle a pris l'enfant comme son enfant. Elle a commencé à élever l'enfant. Mais elle ne savait pas qu'à l'école, on avait donné la sorcellerie à l'enfant. Et l'enfant a commencé à faire la sorcellerie de connivence avec la famille du monsieur, avec ses cousins à la maison. Pour inviter, et la dame dit elle ne comprenait pas que tout était bloqué dans sa vie. Ses finances bloquées, au travail, on ne la paye pas, elle a la vision, la chasse, le rejet. Et quand cette fille a commencé à dévoiler, quand elle a reçu le Père dans notre ministère, on lui a enseigné à prier les domaines de sa vie, elle a commencé à prier, à suivre sa délivrance. À la maison, les enfants étaient déjà mal à l'aise parce que le Saint-Esprit était entré. Et la femme avait compris qu'il y avait un problème. Il y avait des problèmes, elle ne comprenait pas pourquoi ça venait d'aller. Et maintenant, un jour, elle a tué une souris. Elle dit, quand elle a reçu le Seigneur, les enfants, les cousins, les nièces qu'elle prenait partout, qu'elle élevait dans sa maison sur le bon cœur, les petits sorciers, quand elle a reçu le Seigneur, ils ont commencé à fuir la maison seule, elle ne l'a pas chassée. Donc, je suis la maison qui vient de voler les habits quand elle n'est pas là. Parce que le feu était déjà allumé dans la maison. Et maintenant, il restait seulement sa fille. Elle ne savait pas que sa fille était aussi une sorcière. Et un jour, ils ont tué, en Afrique, on appelle ça la musaraigne. Une grosse souris. C'est une grosse souris qui sent mauvaise. Un animal de sorcellerie. Et maintenant, elle dit quand ils ont tué cette souris, la dame a dit que je sais que derrière toi, il y a un maître. Et si ton patron ne se repent pas, il va mourir comme je te tue là. c'est le lendemain que sa fille si commence à en dévoiler. Elle a l'église, son mari l'appelle. Oh, ta fille a fait de parler à sa sœur, elle vient même à l'église. Et la fille commence à dévoiler. Le témoin, c'est notre chaîne de toute la nation. Ça se passe au Cameroun. C'est pas une histoire derrière, c'est une famille. Et maintenant, elle commence à dire comment elle a invité l'argent de sa mère. Elle avait volé 45 000 dans le sac de sa mère. Parce que son frère qui était sorcier, qui avait vu la maison, elle avait dit que j'ai besoin de payer ma pension qui m'attendait. Et maintenant, elle lui dit, il faut prendre l'argent de maman, tu viens me le donner. Elle part voler l'argent de sa mère. Elle donne à son frère, il amène à son sorcier, il commence à parler de ça, il fait des imprécations. La femme dit que ça faisait 10 mois, on n'a pas payé son argent. Pourtant, les deux ont les payés. Donc, toi, peut-être, tu as pris ton argent et viens te demander, s'il te plaît, donne-moi 50 euros, j'ai un problème. Tu prends ton argent, toi qui n'es pas enfant de Dieu, tu ne connais pas que si ton argent est ton sang, c'est-à-dire des empreintes. Quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, tu dois d'abord condamner, tu sanctifies ton argent, tu déclares que si tu prends ça pour faire une mauvaise chose, ça retourne sur toi. Moi, je donne mon argent dans le bon cœur. Mais quand tu es ignorant, tu as pris ton argent, tu as donné à quelqu'un, et la personne est allée faire des imprécations. Et il y a un esprit qui a saisi tes finances, et tu te rends compte qu'il y a une sécheresse financière, tes mains commencent à démanger. Il y a des personnes comme ça, quand on commence à les délivrer, tu sors comment les mains démangent, la personne fait des mouvements, les mains démangent. Et ça, c'est un domaine de ta vie. Peut-être quelqu'un est venu chez toi, un ami, il a volé ton sous-vêtement pour aller bloquer. Peut-être ta fécondité, ton sous-vêtement, ton habit, il y a ta sueur sur la saleté de ton corps. Pour aller bloquer ta vie dans un domaine, il y a des gens qui changent des habits, ou bien tu te rends compte que quelque chose a disparu, ton habit a disparu, je ne sais pas là où c'est parti, alors ils ont pris pour aller faire des imprécations. Et c'est plusieurs de mes personnes, ce sont des exemples un peu que je suis en train de détailler. Peut-être les cheveux de ta tête. Vous allez voir les gens qui aiment toucher les cheveux des gens. On a des gens qui ont témoigné dans les salons de coiffure. Seulement sur le pain. Tu ne sais pas, quelqu'un vient, elle est détressée, elle prend tes cheveux, ou bien un enfant qui vient de naître, tu prends les cheveux de l'enfant qu'on va faire des imprécations. Le cheveu d'une femme, c'est sa gloire. Ou bien, il y a tellement de choses, des tampons de menstrues. Les femmes qui balancent les tampons de menstrues partout là. Ça ne se passe pas comme ça. Même si tu jettes à la poubelle, est-ce que tu connais l'identité spirituelle des gens qui viennent ramasser les ordures chez toi? Il faut faire attention. Quand tu veux jeter quelque chose qui t'appartient, quelque chose d'intime, tu dois prier dessus pour annuler, pour protéger déjà ta vie. Et il y a des gens qui vivent dans tellement, d'aller ils s'en foutent de tout le tout. Tu ne sais pas par où on est passé pour t'envoûter, pour bloquer un domaine de ta vie. Et c'est là où la défense intervient. Tant que tu ne prends pas conscience de ces choses, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Tant qu'on ne te révèle pas ces choses, tu auras toujours des problèmes. La dernière fois, j'ai parlé de ceux qui allaient chez les pétiteurs pour chercher le succès, pour chercher le voyage, la réussite. C'est le domaine de la vie que tu as sacrifié. Et même si tu reçois le Seigneur, tant que tu ne te confesses pas, tu ne le reconnais pas, les esprits affectés dans ce domaine pour te bloquer, pour empêcher que tu avances dans ce domaine, ces esprits ont toujours un droit légal sur toi. Il y a des personnes qui sont envoûtées par la nourriture. Quelqu'un t'a invité à manger. Quelqu'un t'a invité dans un restaurant, tu ne sais pas. Il y a un papa ici à Paris qui nous a fait son témoignage. Ses amis pour le détruire l'avaient invité dans un restaurant. Ils avaient déjà fait un complot. Je ne suis pas en train de raconter les évidences, je vous donne des témoignages pour vous éclairer et pour que vous compreniez ce qui se passe dehors. Et ses amis, lui, vraiment, boit ça, donc on a ouvert une bière devant lui, alors qu'il y avait déjà des imprécations faites dessus. Et dès que le monsieur a bu ça, c'est là où sa vie a changé, c'est là où son mariage s'est gâté, c'est là où il n'a pas compris. Il ne pouvait pas imaginer son ami intime. C'est pendant qu'il suit sa délivrance que le Seigneur révèle à l'homme de Dieu. Pour dire qu'un jour, un de tes amis intimes t'avait invité dans un restaurant, et c'est là où il avait détruit ta vie. Mais si toi, tu ne passes pas par la délivrance, même si tu persévères dans une église, tu auras toujours des problèmes bizarres. Tu auras toujours des problèmes. Je connais des familles. Une dame, elle venait à l'église, elle n'accouchait pas. On a prié Dieu, le Seigneur l'a bénie. Maintenant qu'elle accouche, sa belle-mère arrive à la maison. La belle-mère prend l'enfant, elle pose sur le ventre, elle dit que c'est son mari. La femme ne sait pas ce qui s'est passé depuis que la belle-mère est partie de sa maison, jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est pas normal. Si vous voyez là où cet enfant commence à taper sa mère, si il commence à tirer ses cheveux, si il commence à tirer sa grève, et tu te demandes comment cet enfant vit, elle est obligée, le papa est obligé de ne pas travailler parce qu'il faut garder l'enfant, un enfant de 3 ans, il a une force surnaturelle, et plus il grandit, devient comme si c'était un monsieur. Donc bien aimé, le monde dans lequel nous vivons, le méchant, ne néglige pas la délivrance. Tu as tes enfants qui sont intelligents à la maison, tu ne comprends pas. Dès que l'étranger est parti, tes enfants deviennent bêtes. Les enfants deviennent têtus. C'est pour ça que nous devons éduquer nos enfants. Déjà, éduquer nous-mêmes, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas éduqués. Cette vidéo va passer dans beaucoup de groupes où on parle peut-être comment éduquer les enfants, les gens qui cherchent le mariage. C'est important pour vous parce que vous devez avoir cette connaissance. Osez 4, 6, mon peuple n'est plus parce que lui manque la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de connaissance. Quand on n'a pas de connaissance, il vient critiquer. Alors que ce sont des choses que vous devez connaître. Les choses de la vie, le diable est tellement rusé, le diable est tellement méchant. Et maintenant, quand tu es passé par ces Je ne sais pas sorcier, je ne parle pas à la sorcellerie, qu'est-ce qu'on peut bien me faire, et c'est comme ça que tu te retrouves dans les problèmes. Le problème dans lequel tu te trouves, tu te donnes à ton foyer, tu es parti raconter ta vie à qui, on lit ça sur Facebook, tous les réseaux sociaux, une femme qui pleure, ma copine, tu étais ma copine, je te racontais tous mes problèmes avec mon mari, alors que c'est elle qui répète ton mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris une domestique chez toi, tu as pris un enfant chez toi que tu as commencé à élever, et c'est cet homme, cette femme, cet enfant qui est venu gâter ta vie. Tu as besoin de la délivrance. Ta vie allait bien, mais depuis que tu as rencontré cette personne, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ton magasin marchait, mais depuis que tu as eu tel employé, il y a des trucs qui ne vont pas. Tu dois t'arrêter et te poser des questions. Et maintenant, une personne qui a déjà remarqué qu'il y a des domaines dans sa vie qui ne marchent pas comme ça doit marcher, doit chercher la délivrance. Un Dieu de l'âme est nouveau. Et maintenant, quand tu désires la délivrance, il y a une chose. Et je vous disais que la délivrance, ce n'est pas l'exorcisme. L'exorcisme, c'est le fait de chasser les esprits avec des objets, des croix et tout ça. La délivrance, ce sont les hommes de Dieu, les nouveaux, qui chassent les esprits avec le Saint-Esprit. Nous voyons ça dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament ne nous parle pas beaucoup de délivrance. Ça nous parle plus des miracles, des guérisons qu'il y avait. Les prophètes guérissaient, les prophètes faisaient des miracles. Maintenant, Jésus est donc venu avec cette connaissance. Et les juifs étaient étonnés, ils disent, mais c'est une nouvelle doctrine. Ce monsieur cherche des démons. Et comment est-ce que, quand vous prouvez que derrière chaque problème, il y a un esprit, quand Jésus est avec ses disciples, et il passait à l'autre bord, et il y a eu la tempête. Quand Jésus a parlé au vent, il dit, tais-toi. Et les disciples étaient étonnés, mais ça c'est quelqu'un d'autre qui parle même. Au vent et les vents lui obéissent. Jésus savait qu'il y avait un esprit qui avait soulevé le vent et qui voulait l'empêcher d'arriver de l'autre côté parce qu'il y avait un homme qui devait être délivré de l'autre bord, à l'autre bord. Donc Jésus savait que derrière chaque problème, il y a un esprit. Derrière chaque situation, il y a un esprit. C'est pour ça qu'il dit au vent, silence! C'est à l'esprit qui demandait de se taire. Maintenant, quand tu cherches la délivrance, tu dois déjà prendre conscience et Tu dois demander au Seigneur de te diriger vers un homme de Dieu, vraiment homme de Dieu, qui a l'onction nécessaire pour te délivrer. Donc, la délivrance, toi-même, tu dois prendre ta délivrance au sérieux et demander au Seigneur de te diriger. Maintenant, quand tu es face à ce homme de Dieu, tu es comme face à Dieu. Pour être délivré, tu dois être honnête. Quelqu'un qui ment ne peut pas être délivré. Tu dois être honnête avec toi-même. Honnête avec Dieu et honnête avec la personne qui te délivre. Parce que tu as besoin de dire la vérité. La dernière fois, je vous ai parlé du diagnostic spirituel. Pour qu'on délivre, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Déjà, peut-être dans ta famille, comme nous, on fait la cuite d'amour, je vous l'ai dit. Et dans cette cuite d'amour, on te pose des questions. Déjà, sur ton nom, parce que ton nom, l'origine de ton nom, la signification de ton nom, peut influencer ta vie, soit en bien, soit en mal. De tes origines, de tes ancêtres, est-ce que tes ancêtres étaient des adorateurs de Dieu des idoles, est-ce que c'était des prêtres des fétiches, est-ce qu'ils ont sacrifié des enfants, qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, on te demande des informations de ta famille pour que toi, tu nous dises qu'on détecte l'esprit qui est derrière. Et maintenant, les informations sur tes parents, peut-être que tu es une femme, tu es mariée, tu es un homme, et dans ton foyer, il y a des troubles. Et maintenant, on va te poser les questions. Comment est-ce que tes parents vivaient? Est-ce que ton père était marié avec ta mère? Est-ce que... Et parfois, ce sont des problèmes héréditaires. Les problèmes que ta mère a vécu dans le foyer, tu es en train de les répéter. Ce sont des liens héréditaires qu'il faut couper. Il faut briser pour que toi, tu sois délivré, pour que toi, tu aies la paix dans ton foyer. Peut-être que tu te retrouves en train de répéter la souffrance que ton père a fait vivre à ta mère. Et c'est ce que ton mari est en train de te faire. Parce que c'est le mari qui est mauvais. Mais parce qu'il y a des liens, il y a des esprits dans ta famille qui disent que toutes les femmes qui vont en mariage doivent souffrir. Et toi, tu es en train de souffrir comme ça. Et là, il faut maintenant qu'on détecte. Et il faut que tu dises la vérité parce que si tu mens, la délivrance ne sera pas bien orientée. Il faut que tu dises la vérité. Tu dois être honnête avec Dieu. Quelqu'un qui veut la défendre n'a pas honte. Tu as tué, tu l'as dirigé. Et c'est ça là où le bas les laisse. Il y a des gens qui veulent la défendre, mais ils ont honte, ils mentent, ils cachent des choses. Tant que tu caches, l'esprit là a le pouvoir sur ton corps, c'est une affaire d'esprit. Tu dois prendre maintenant la décision de dire la vérité, tu es honnête. Tu dis, sans te poser des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois dire, pourquoi tu as tel problème? Tu dois dire. Maintenant, quand tu veux la délivrance, c'est un travail spirituel, c'est ça la magie. Tu dois prendre la décision de méditer la parole de Dieu au moins trois fois par jour. Parce que la délivrance se fait, c'est Dieu qui va te délivrer. L'homme de Dieu qui est en face de la femme de Dieu n'est qu'un instrument que Dieu utilise. Et maintenant, toi aussi, tu dois participer 50%. Tu dois prendre la décision de méditer la parole de Dieu au moins trois fois par jour. Ça doit être la nourriture. Parce que ces démons sont logés parfois dans ton esprit. Et c'est cette parole qui doit maintenant remplir ton esprit. Parce que quand tu remplis ton esprit avec la parole de Dieu, les esprits perdent leur pouvoir. Tu dois aussi prendre l'engagement de prier au moins 5 fois par jour. Quelqu'un qui veut la délivrance et qui ne prie plus, tu seras délivré comme maman. Tu attends seulement quand le pasteur va prier pour toi, quand la femme de Dieu va prier pour toi. Non, tu dois préparer le terrain au préalable. Mène une de prière, intercède pour ta délivrance toi-même. Demande au Seigneur de sanctifier ton esprit parce qu'il y aura des choses que Dieu va passer par ton esprit pour te révéler. Et si ton esprit n'est pas sanctifié, Dieu va passer par les rêves, il va passer par... Donc le Seigneur doit prier pour que le Seigneur sanctifie ton esprit. Et là, c'est dans ton esprit que la délivrance se passe. Donc si tu dois prier, tu dois méditer la parole de Dieu. Ça doit être ton travail à toi. Ça doit être ta nourriture. Lis la Bible. Si tu ne savais pas lire la Bible avant, lis la Bible. Commence à lire. Il y a des personnes, les esprits ont tellement possédé leurs esprits. Les démons de la Bible, elle n'a pas lu la Bible. Si tu commences à lire la Bible, tu dors. Cherche même la Bible au Dieu. Pendant que tu travailles, tu mets ça commence à tourner. Ou bien les chansons de Dieu, ça va remplir ton esprit. Pendant que tu fais autre chose, la parole de Dieu remplit ton esprit. Ton esprit doit être rempli de la parole de Dieu sur la délivrance. Et maintenant, tu dois persévérer dans une église. Là, on te délivre. Quelqu'un qui veut la délivrance, on ne doit pas faire ça à la maison. Tu dois aller à l'église. Écoutez les enseignements. Écoutez la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te guérit, qui te délivre. C'est pas magique. C'est un travail spirituel. Donc tu dois toujours être dans l'onction. Là où on parle de Dieu, tu dois être là. Les enseignements. Parce que pendant les enseignements, le Seigneur peut te retrouver pendant que Dieu prêche. Il peut avoir une parole de connaissance qui te concerne. Il peut avoir une parole de sagesse qui te concerne. Et il révèle ton problème. Donc tu dois être là. Écouter cette parole. Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas que tu passes dans le courant qui peut être durant. Non. On va prier pour toi, prier pour toi, tu ne seras jamais délivré. Maintenant que tu es dans cette vie de prière, il faut maintenant que tu entres dans une discipline. Tu dois discipliner tes pensées. Discipliner tes sens. Ce que tu regardes. Ce qui sort de ta bouche. Tu dois être discipliné. Si tu es quelqu'un qui a la délivrance et qui passe le temps à voir les films X, comment est-ce qu'on en espère à sanctifier? Tu veux la débattre de l'humain de nuit, toi qui écoutes les chansons érotiques, toi qui regardes les choses bizarres, ça va toujours polluer ton esprit. Et tu ne peux pas être délivré. Les portes seront toujours ouvertes. Ta discipline te permet de fermer les portes afin qu'aucun esprit d'autre ne vienne. Et cette discipline te permet de ne plus pécher. Parce que quand Jésus délivre les gens, il te dit, tes péchés te sont pardonnés parce que ce sont les péchés qui ont ouvert la porte à ces esprits. Et quand il te pardonne les péchés, il te dit, va et ne pêche plus. Parce que une fois que tu pêches, tu ouvres encore les portes. Et tu vas fatiguer les hommes de Dieu. Tous les gens vont prier sur toi. Pourtant, tu mènes une mauvaise vie. Tu dois être discipliné. Les personnes n'ont pas le même objectif que toi. Peut-être quand tu as Quand tu cherches ta délivrance, ne cherche pas les acolytes qui vont te soutenir, qui vont t'encourager. Peut-être qu'ils ne vont jamais t'encourager. Et maintenant, quand le Seigneur te revêt, l'origine de tes problèmes, ce que tu dois faire, c'est de confesser. Reconnaître que là où tu es dans telle situation parce que tu avais posé tel acte, tu avais menti à tel, tu avais offensé tel. Prends le courage. Va te demander pardon à la personne. Que je suis désolée et je t'avais offensé. Pardonne-moi. Et maintenant, tu demandes pardon aussi à Dieu. C'est ce que tu as commis. Ou ça n'a pas engagé quelqu'un. Reconnais le péché. Demande pardon à Dieu. Confesse ton péché. C'est ça la délivrance. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées parce qu'elles cachent leur péché. Tant que tu caches ton péché, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être délivré. C'est impossible. Il faut se libérer. Quelqu'un qui veut la délivrance, c'est quelqu'un qui se libère. C'est quelqu'un dont le cœur n'est pas un réfrigérateur ou un congélateur, où il garde les choses, garde les gens, garde les rancunes. Tant que tu veux la délivrance, tu es dans ton cœur, tu as les gens avec qui tu gardes ton cul, ton cœur, ton congélateur, ton cœur, ton frigo, où il y a des paquets, des paquets, des paquets, des gens qui tout ça, tu ne peux jamais être délivré. Jamais, jamais être délivré. Tu veux être délivré, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est la désobéissance à la parole de Dieu qui t'a mis dans les problèmes. à des désobéissances et des ancêtres qui t'ont donné des problèmes. Maintenant, il faut que tu obéisses pour être délivré. Tu dois aller à tes pensées. Tu penses à quoi? Tu avais des délivrés, mais tu as des pensées impures. Tu penses à quoi? Et les pensées impures ouvrent la porte. À des fois, je parlais également des pensées. Que ta destinée dépend de tes pensées. Tu penses à quoi? Aux mauvaises choses. Tu penses à quoi? Tes pensées attirent les esprits pour venir amener ce que tu es en train de penser à l'exécution. Il y a le pardon, il y a demandé pardon. Et je vais terminer. C'est long, on va parler de la délivrance parce que cela va nous permettre. Et je sais que beaucoup de personnes seront délivrées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu veux être délivré, voilà un secret que je vais te donner. C'est un secret qui marche. Déjà, c'est un supérieur qui délivre un inférieur. Donc, tu ne peux être délivré que par quelqu'un. Si tu cherches la délivrance, est-ce que tu es dans un ministère ou dans une église? Si tu veux être délivré, il faut poser des actes. On appelle ça entrer en compte avec la personne qui t'enseigne. Entrer en compte avec la personne qui te délivre. Ce n'est pas que tu achètes la prière. Ce n'est pas que tu achètes la délivrance. Non. On ne doit pas te dire ça. Tu dois savoir ça. C'est le monde spirituel. Il faut toujours entrer en compte. Avec la personne qui t'enseigne la parole, tu ne peux pas venir voir les autres du même vide. Si quelqu'un prie pour toi, il n'a pas besoin de te faire le sacrifice, tu dois connaître. Pour entrer en compte, pour que sa prière ait effet sur moi, il faut que je pose un acte, que je fasse un sacrifice, que je donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, que j'entre en compte, c'est le terme, entrer en compte avec la personne qui s'occupe de ma délivrance. Et tu vas voir, pendant que tu vas délivrer les hommes et les femmes, tu penseras à moi. Tu es quelqu'un qui a passé le temps à aller chez les uns de bon aventure, tu as fait des sacrifices chez le diable. Et une fois que tu donnes l'argent, tu as sacrifié tes finances. Maintenant, pour racheter tes finances, tu dois aussi sacrifier la maison de Dieu. Tu dois donner les gens à faire ça. Ce sont des sociétés qui disent que c'est les escroqueries, les gens. Mon ami, quand tu donnes à Dieu, ça marche toujours. Je vous assure, même si le démon est comment, quand tu fais des sacrifices, laisse tomber. Dieu va te donner ton argent, ton argent va revenir. On ne profite pas de bénéfices. Et le Seigneur va libérer tes finances. Il y a une dame, c'est juste, je vous parle de ça parce que c'est ma vie. Tout ce que moi j'ai eu dans ma vie, comme je vous ai parlé, que j'avais des problèmes de délivrance. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai fait. Et ce qui a accéléré la délivrance dans ma vie, c'est le sacrifice. Moi, je ne compte pas, je ne réfléchis pas, je m'en fous de toi, je dis que je donne pour l'œuvre de Dieu. Et quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, ne t'en fais pas, ça marche. Les enfants de Dieu souffrent dans la pauvreté, ne sont pas délivrés parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Le principe de la semence. Exode 8, tant que le ciel et la terre subsisteront, la semence et la moisson subsisteront, l'hiver et l'été, le soleil et la pluie, ça va subsister. Tu sèmes, tu récoltes. Regardez comment nos frères musulmans sèment, ils donnent, ils font des œuvres. Des moments, j'ai parlé d'eux. Je crois que les apôtres connaissent, Dieu t'a connu, tes prières sont montées, les aumônes ont permis que ces prières aussi montent. Et quelqu'un veut donner un exemple dans la Bible avant de finir. qui a obtenu sa délivrance par Abraham. Il y a tellement. Dieu fait la promesse à Abraham. Dieu dit à Abraham, nous sommes dans Genèse. Je crois qu'on va finir par là. Abraham, je vais te donner un fils, tu seras le père d'une grande nation. Dieu raconte des histoires, Abraham prophétise sur Abraham. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Pourquoi ça ne s'accomplit pas dans ta vie? Quelqu'un m'a dit que Dieu a donné des promesses. Pourquoi ça ne s'accomplit pas tout ça? Dieu dit à Abraham dans Genèse, à partir du 18. Et dans Genèse 16, beaucoup de Genèse. Dieu dit, je vais te donner un fils. Abraham était l'ami de Dieu. Vous savez comment Isaac vient après 25 ans, Dieu décide de détruire Sodome et Gomorrhe. Il envoie des anges, il dit, allez voir ce qui se passe à Sodome. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Genèse 18, qu'Abraham était assis chez lui et il a vu des gens passer. Les gens ne partaient pas chez Abraham, ils partaient à Sodome. Abraham s'est levé, il a couru. Il est parti accoster ses hommes. Il dit, pardon, venez chez moi. Il y a la nourriture chez moi, je vais vous laver les pieds, je vous donne à boire, vous venez de loin. Abraham est parti provoquer sa délivrance, la délivrance de la stérilité. Abraham laisse la main chez lui. Abraham dit à Sarah, fais vite. Dans le verset 18 de Genèse 18, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes d'abord dans le verset 9. Alors il lui dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah était à la tente, elle a commencé à rire. Les gars ne venaient pas chez Abraham, ils passaient leur route. Abraham est parti les chercher. Ta délivrance, tu dois la provoquer. En posant des actions, en faisant des sacrifices. Tu n'as pas besoin qu'on te demande. Tu regardes l'église, tu regardes, il y a tellement besoin à l'église. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est des sacrifices. Je regarde quelque chose qui manque. Je me lève, je m'en vais donner à l'homme de Dieu. L'argent du Gabon, je vous ai parlé un jour que j'étais comme ça, un jour l'homme de Dieu prêche. Et j'avais l'argent de ma mère dans la main. Et je me suis levée. Je dis, l'homme de Dieu, maman, il n'y a que de payer ton carburant. Et il a commencé à prophétiser. Il me dit, avant tes 40 ans, tu auras des voitures. Et je n'ai pas encore 40 ans, j'ai roulé les voitures et les Porsche Cayenne et les Mercedes, j'ai roulé les voitures dans ma vie fatiguée. À cause d'une parole prophétique, à cause d'une action que j'avais posée. Quand tu veux la délivrance, tant qu'on te dise donne. Il faut que tu donnes. Même si tu n'as pas beaucoup, donne. Lève-toi, regarde. Peut-être que tu vas chez la femme de ton pasteur, va donner ton point sacrifié, tu dis, peut-être que moi je peux venir t'aider à faire le ménage. Quand tu cherches la délivrance, il faut d'abord être un, je l'ai dit la dernière fois, il faut savoir se faire petit. Abraham est parti chercher, c'est comme ça que les gars prophétisent sur Sarah. Et c'est comme ça que Sarah a eu l'enfant là. L'enfant qu'elle attendait depuis 25 ans. Parce qu'ils avaient posé les actes. Et c'est la même chose. Maintenant, il ne voulait pas dire à Abraham ce qu'il partait faire à Sodome. Après, dans le verset qui suit, il dit, est-ce que nous allons cacher à Abraham ce que nous voulons faire? Pourquoi Abraham avait posé des actes? Et c'est là où il dit à Abraham que nous sommes en train d'aller détruire Sodome. Abraham ne savait pas. Abraham avait un membre de famille à Sodome, l'autre était de la famille de Sodome. Il arrive là-bas. Il dit, il ne va pas te détruire. C'est là où Abraham commence à intercéder pour l'autre. Abraham savait que son homme était là-bas avec sa famille, avec ses filles, avec ses mariés. Il dit, il y a quand même 50 personnes que tu vas détruire. Abraham a intercédé. Les portes de la femme qui ont sauvé l'autre. Il arrive jusqu'à ce que Dieu dit, d'abord si elle dit, je ne tue pas. Dieu, les anges descendent, ils continuent. La Bible dit qu'il arrive à Sodome. Nous sommes au chapitre 19. L'homme était assis à la porte. Ils ne sont pas partis chez l'homme. L'homme les a vus. L'homme a couru vers. Ça veut dire que dans la famille d'Abraham, on a enseigné les gens à faire des bonnes œuvres. L'homme a couru vers eux pour leur dire que la vie est mauvaise. Venez vous cacher chez moi. Et l'autre leur a dit, je vais même peu de vous, ici c'est une mauvaise vie, tout ça. Et c'est comme ça que l'autre est sauvé, à cause des bonnes œuvres qu'il fait. Tu vas être délivré, tu vas apprendre à poser des bonnes œuvres. À poser des œuvres, à faire du bien aux hommes de Dieu. Quand les gens disent que Dieu a dit que Jésus ne prend pas l'argent, quand vous lisez, quand Jésus envoie ses disciples, il faut lire la Bible. Quand il envoie ses disciples, il dit, vous avez, reçu gratuitement, donné gratuitement. La suite, il dit quoi? Ne prenez ni bourse, ne prenez ni sac. La maison dans laquelle on vous reçoit, si elle vous accueille favorablement, que votre père reste dans cette maison parce que l'ouvrier mérite son salaire. Les gens lisent la Bible, ils coupent les phrases. Il commence à raconter des bêtises. Il faut lire jusqu'à la fin. Si Jésus envoie ses disciples, et il leur dit de ne prendre rien pour la mission. Ça veut dire quoi? Après il dit que rien mérite son salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il va finir de travailler, toi qui as reçu la bénédiction, tu dois entrer en compte avec lui. Après il dit celui qui donne un verre à un prophète, à qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu veux des enfants, Dieu va ouvrir tes trompes. Peut-être que tu as des problèmes financiers, sème dans la maison de Dieu. Il y a une famille à Paris. On parlait du sacrifice pour le temple et tout ça. Est-ce que c'est devenu minéraux? C'était ses derniers minéraux. Et des minéraux, la paix. Elle dit qu'elle est au travail, son patron, la paix. Son patron lui dit, mais depuis que tu es ici, tu n'as pas de prime. Je vais commencer à donner une prime de 500 euros tous les mois. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le sacrifice. Quand on ne vous trompe pas, ça marche et ça paie. Pourquoi les musulmans font les sacrifices? Est-ce que les musulmans ne sont pas bénis? Les plus musulmans sont les qui? Ce sont les juifs, ce sont les musulmans. Les gars s'aiment. Ils connaissent les principes. Ils connaissent les principes. Et ce sont des principes qu'on ne doit pas négliger. Tu veux être béni, sème. Tu vois un homme de Dieu qui déclare une parole sur toi, n'attends pas qu'il va te demander. Prends, tu donnes, mon ami. L'offrande ne va pas aller pour toi. Je m'arrête là. Si tu as pris les notes, commence à appliquer ces choses et tu vas voir que ta défense va venir. Ta délivrance vivra certainement dans n'importe quel domaine de ta vie. Il y a aussi l'histoire de la femme dynamite. C'était une femme stérile. Dans 2 Rois chapitre 4, verset 8, je crois. La femme dynamite, elle ne faisait pas d'enfant. Elle a vu Élisée passer. Elle a reconnu que c'est un servant de Dieu. Elle appelle Élisée chez elle. Elle voit son mari qui construit une chambre au talon de Dieu. Elle lui donne à manger. C'est un jour où Gehazi l'appelle et puis Gehazi dit quel est son problème. Et il disait l'appel du tu vas accoucher. La femme dit homme de Dieu ne me manque pas. Mon mari dit je vais accoucher comment. Il dit à la même époque. Pourquoi les œuvres? Il y a des personnes qui sauvent la vie parce que tu donnes. Quelqu'un qui était tenté, tu prends, tu donnes. Dieu te protège à cause de ce que tu as fait. Si je continue, on va arriver même jusqu'au matin. Alléluia. Je vais prier pour un homme, je vais prier pour une femme. Déjà, je vais te conduire au Seigneur. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, pour que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu dois faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je veux te recevoir ce soir comme mon Seigneur et Sauveur. Je remets ma vie entre tes mains. Sauve-moi du péché originel. Je demande pardon pour le péché d'Adam, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. À partir de ce soir, je veux m'engager à te suivre. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et accorde-moi le don du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu as reçu le Seigneur. Si tu ne peux pas venir me rencontrer, cherche un homme de Dieu. Je qui prêche la même présence. Tu lui dis que tu as reçu le Seigneur à l'école d'Esther. Il va te baptiser. Parce qu'après, il faut que tu sois baptisé. Il te baptise et tu persévères dans son église. Cette émission, ce n'est pas parce qu'on veut les mains ou non. Tu persévères dans son église parce que tu as besoin d'être enseigné. Et tu pries, Dieu va te diriger vers un de ses serviteurs qui va prendre soin de toi. Amen. Et maintenant, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes. J'ai dit que derrière chaque esprit, il y a derrière chaque problème, il y a un esprit. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Mais je parle en tant que servant de Dieu. J'envoie le Saint-Esprit chez toi maintenant. Connais des personnes qui ont été délivrées au travers de la télé. Au travers de la télé, ils ont été guéris. Au travers de la télé, ils ont été restaurés. Au travers de la télé, des démons sont partis de leur corps. Et je prophétise là où tu te trouves. J'envoie le Saint-Esprit en mission. Le Saint-Esprit s'est introduit chez toi pour déloger tout esprit qui se cache derrière ce problème. Peut-être c'est un problème physique, un problème financier, un problème de maladie, un problème héréditaire. Que le feu du Saint-Esprit maintenant descende pour renverser les hôtels de ta famille. C'est des hôtels qui crient contre toi. Pour renverser les esprits méchants que des personnes jalouses qui ne veulent pas voir ta réussite ont envoyé pour bloquer le domaine de ta vie. Le feu du Saint-Esprit, peut-être c'est une maladie. Tout esprit derrière cette maladie qui veut te cribler. Lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout esprit derrière un problème dans ta vie, j'ordonne à cet esprit de se taire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare qu'il y a la paix. Tout esprit derrière les problèmes qu'il y a dans ton foyer, je chasse ces esprits au nom de Jésus. Derrière les problèmes qu'il y a derrière tes enfants, les problèmes qu'il y a dans ton lieu de service, les problèmes spirituels que tu as, j'ordonne à tous ces esprits de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Ces esprits qui marchent dans ton corps, je prends l'autorité. J'invoque le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus maintenant, le sang de Jésus dans ta maison. C'est des esprits qui marchent dans ta maison. Tu entends les bruits sur le toit de ta maison chaque nuit. Ce sont des esprits qui viennent des sorties qui viennent des réunions. Je prends autorité maintenant, j'envoie le feu chez toi. J'envoie le feu au nom de Jésus. Partout dans la train de faire des cabales contre ta vie, le feu du Saint-Esprit descend maintenant. Partout on fait des protections sur ton nom. On fait des envoûtements. Des choses qui te représentent, le feu du Saint-Esprit te libère, libère ton étoile, libère ta destinée, libère au nom de Jésus. Les esprits envoyés pour manipuler ta vie, je détruis les esprits de manipulation et je déclare ta libération dans quelque domaine que ce soit, dans quelque prison dans laquelle tu te trouves, toutes les prisons spirituelles, les prisons physiques, les prisons médicales, les prisons financières, j'ouvre maintenant la porte de cette prison et je te libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ton corps, je libère tes finances, je libère ta famille, je libère tes comptes, je libère ton foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu de Saint-Esprit te libère là où tu te trouves. Le feu de Saint-Esprit libère ta vie, libère tes activités, libère tes projets, libère ta famille. Libère au nom de Jésus. Je déclare, je dis que tu vas recevoir là où tu te trouves. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te libère. Tout esprit d'oppression, les esprits qui t'oppressent, reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois la libération du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, quelque chose qui marche dans ton corps, le feu du Saint-Esprit commence maintenant à détruire cela. Au nom de Jésus, cet esprit qui vient t'oppresser la nuit, le feu de l'alliance, le feu de l'alliance, au nom de Jésus Christ, cet esprit qui t'empêche de lire la Bible, quand tu lis la Bible, commence à dormir, le feu du Saint-Esprit libère ta zone de tension, cet esprit de mort, tu rêves toujours des morts, j'envoie le feu du Saint-Esprit qui te déconnecte avec cet esprit de mort au nom de Jésus, partout où on fait des envoûtements et des imprécations contre toi, je déclare ta libération, je te libère au nom de Jésus. Tous les esprits de malheur, les esprits de malchance, les esprits de blocage, j'ordonne à ces esprits de libérer ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Et c'est pas la puissance de cet esprit que je prie maintenant pour que le Seigneur te libère. Que le Seigneur libère ta destinée. Ta destinée qui a été emprisonnée. Le feu de Saint-Esprit libère ta destinée. Libère ton âme. Libère tes projets. Libère ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, libère ta maison. Je déclare la paix dans ta vie. La paix dans ton foyer, la paix dans ton corps, la paix dans tes finances, la paix dans tes projets, la paix dans tes entreprises, la paix dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, la paix avec ton Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de cet esprit, reçois la paix de Dieu, la paix dans tout ce que tu vas entreprendre. Je dis la paix au nom de Jésus-Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Et je déclare que tu es délivré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'adresse de l'église sera au bas de la vidéo. Ne reste pas à la maison. Il faut que tu persévères. Tu dois prier. Derrière chaque problème, il y a un esprit. Alors il faut prendre autorité derrière ce esprit. Le lier et l'envoyer dans les abîmes des ténèbres. Et tu verras comment ta vie sera libérée. Nous allons continuer avec la délivrance. C'est un sujet très vaste. Et selon ce que le Saint-Esprit va me révéler, selon les problèmes des uns et des autres, il y a la délivrance des foyers, la délivrance des liens ancestraux, la délivrance des malédictions personnelles. On va continuer selon ce que le Saint-Esprit va nous diriger. Vraiment, soyez bénis. C'est l'école des esprits, ne soyez pas égoïste. Invitez quelqu'un à regarder cette vidéo, envoyez cette vidéo à quelqu'un et la personne sera délivrée. Merci parce que vous étiez là, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, au nom de Jésus-Christ. Amen.